Néhémie chapitre 9. Et le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, jeûnant, revêtus de sacs, ayant de la terre sur eux. Et la race d'Israël se sépara de tous les étrangers, et ils se présentèrent, confessant leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Ils se levèrent donc en leur place, et on lut au livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant la quatrième partie du jour, et pendant une autre quatrième partie. Ils faisaient confession de leurs péchés, et se prosternaient devant l'Éternel, leur Dieu. Et Jésua, Bani, Kadmiel, Sébanja, Buni, Serebja, Bani et Shenani se levèrent sur le lieu qu'on avait élevé pour les Lévites, et crièrent à haute voix à l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, savoir, Jésua, Kadmiel, Bani, Azabneja, Serebja, Odija, Sébanja et Pétaja, dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, de siècle en siècle, et qu'on bénisse, ô Dieu, le nom de ta gloire, et qu'il soit élevé au-dessus de toute bénédiction et louange. Tu es, toi seul, l'Éternel, tu as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre, et tout ce qui y est, les mers, et toutes les choses qui y sont. Tu vivifies toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Tu es l'Éternel Dieu, qui choisit Abraham, et qui le tira hors du Ur des Chaldéens, et lui imposa le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, et tu traitas avec lui cette alliance, que tu donnerais le pays des Chananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens, que tu le donnerais à sa postérité, et tu as accompli ce que tu as promis, parce que tu es juste. Car tu as regardé l'affliction de nos pères en Égypte, et tu as ouï leur cri près de la mer Rouge. Et tu as fait des prodiges et des miracles sur Pharaon et sur tous ses serviteurs, et sur tout le peuple de son pays, parce que tu connus qu'ils s'étaient fièrement élevés contre eux, et tu t'es acquis un nom, tel qu'il paraît aujourd'hui. Tu fendis aussi la mer devant eux, et ils passèrent par le sec au travers de la mer, et tu jetas au fond des abîmes ceux qui les poursuivaient, comme une pierre dans les eaux violentes. Tu les as même conduits de jour par la colonne de nuée, et de nuit par la colonne de feu, pour les éclairer dans le chemin par où ils devaient aller. Tu descendis aussi sur la montagne de Sinaï, et tu parlas avec eux des cieux, tu leur donnas des ordonnances droites et des lois véritables, des statuts et des commandements justes. Tu leur enseignas ton saint sabbat, et tu leur donnas les commandements, les statuts et la loi, par le moyen de Moïse, ton serviteur. Tu leur donnas aussi des cieux du pain pour leur faim, et tu fis sortir l'eau du rocher pour leur soif, et tu leur dis, qu'ils entrassent et qu'ils possédassent le pays au sujet duquel tu avais levé ta main que tu le leur donnerais. Mais eux et nos pères se sont fièrement élevés et ont roidi leur cou, et n'ont point écouté tes commandements. Ils refusèrent d'écouter, et ne se souvinrent point des merveilles, que tu avais faites en leur faveur, mais ils roidirent leur cou. Et par leur rébellion ils se proposèrent de s'établir un chef pour retourner à leur servitude. Mais comme tu es un Dieu qui pardonne, miséricordieux, pitoyable, tardif à la colère, et abondant en gratuité, tu ne les abandonnas point. Et quand ils se firent un veau de fonte, et qu'ils dirent, voici ton Dieu qui t'a fait monter hors d'Égypte, et qu'ils te firent de grands outrages. Tu ne les abandonnas pourtant point dans le désert, par tes grandes miséricordes, la colonne de nuée ne se retira point de dessus eux de jour pour les conduire par le chemin, ni la colonne de feu de nuit, pour les éclairer dans le chemin par lequel ils devaient aller. Et tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, et tu ne retiras point ta main loin de leur bouche, et tu leur donnas de l'eau pour leur soif. Ainsi tu les nourris 40 ans au désert, en sorte que rien ne leur manqua, leurs vêtements ne s'en vieillirent point, et leurs pieds ne furent point foulés. Et tu leur donnas les royaumes et les peuples, et les leur partagea par contrées, car ils ont possédé le pays de Sion, savoir, le pays du roi d'Hesbon, et le pays d'Og, roi de Basan. Et tu multipliais leurs enfants comme les étoiles des cieux, et les introduisis au pays duquel tu avais dit à leur père, qu'ils y entreraient pour le posséder. Ainsi leurs enfants y entrèrent, et possédèrent le pays, et tu abaissas devant eux les Chananéens, habitants du pays, et les livra entre leurs mains, eux et leurs rois, et les peuples du pays, afin qu'ils les traitassent selon leur volonté. De sorte qu'ils prirent les villes fermées et la terre grasse, et possédèrent les maisons pleines de tout bien, Les puits qu'on avait creusés, les vignes, les oliviers et les arbres fruitiers en abondance, desquels ils ont mangé et ont été rassasiés, ils ont été engraissés, et ils se sont délicieusement traités de tes grands biens. Mais ils t'ont irrité, et se sont rebellés contre toi, ils ont jeté ta loi derrière leur dos, ils ont tué les prophètes, qui les semaient pour les ramener à toi, et ils t'ont fait de grands outrages. C'est pourquoi tu les as livrés entre les mains de leurs ennemis qui les ont affligés, mais, au temps de leur angoisse, ils ont crié à toi, et tu les as exaucés des cieux, et, selon tes grandes miséricordes, tu leur as donné des libérateurs, qui les ont délivrés de la main de leurs ennemis. Mais dès qu'ils avaient du repos, ils retournaient à mal faire en ta présence, c'est pourquoi tu les abandonnais entre les mains de leurs ennemis qui dominaient sur eux. Puis ils retournaient et criaient vers toi, et tu les exaucais des cieux. Ainsi tu les as délivrés selon tes miséricordes, plusieurs fois, et en divers temps. Et tu les as sommés pour les ramener à ta loi, mais ils se sont fièrement élevés, et n'ont point obéi à tes commandements, mais ils ont péché contre tes ordonnances, lesquelles si l'homme accomplit, il vivra par elles. Ils ont toujours tiré l'épaule en arrière, et ont roidi leurs coups, et n'ont pas écouté. Et tu les as attendus patiemment plusieurs années, et tu les as sommés par ton esprit, par le ministère de tes prophètes, mais ils ne leur ont point prêté l'oreille, c'est pourquoi tu les as livrés entre les mains des peuples des pays étrangers. Néanmoins, par tes grandes miséricordes, tu ne les as point détruits, ni tu ne les as point entièrement abandonnés, car tu es le Dieu fort, miséricordieux et pitoyable. Maintenant donc, ô notre Dieu, le fort, le grand, le puissant et le terrible, gardant l'alliance et la gratuité, que cette affliction qui nous est arrivée, à nous, à nos rois, à nos principaux, à nos sacrificateurs, à nos prophètes, à nos pères et à tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à aujourd'hui, ne soit point réputé petit devant toi. Certainement tu es juste en toutes les choses qui nous sont arrivées, car tu as agi selon la vérité, mais nous, nous avons agi criminellement. Ni nos rois, ni nos principaux, ni nos sacrificateurs, ni nos pères, n'ont point mis en effet ta loi, et n'ont point été attentifs à tes commandements, ni à tes sommations par lesquelles tu les as sommés. Car ils ne t'ont point servi durant leur règne, ni durant les grands biens que tu leur as faits, même dans le pays spacieux et gras, que tu leur avais donné pour être à leur disposition, et ils ne se sont point détournés de leurs mauvaises œuvres. Voici, nous sommes aujourd'hui esclaves, même dans le pays que tu as donné à nos pères pour en manger le fruit et les biens, voici, nous y sommes esclaves. Et ils rapportent en abondance pour les rois que tu as établis sur nous à cause de nos péchés, et qui dominent sur nos corps et sur nos bêtes, à leur volonté, de sorte que nous sommes dans une grande angoisse. C'est pourquoi, à cause de toutes ces choses, nous contractons une ferme alliance, et nous l'écrivons, et les principaux d'entre nous, nos lévites, et nos sacrificateurs, y apposent leurs saints.